RMC. Il est 9h. Bonjour à tous et à toutes celles qui ont allumé leur poste de radio sur 95 FM, 95 FM, ou encore leur ordinateur sur le site rqc.be afin de pouvoir écouter cette émission. Bienvenue aussi sur RQC à tous ceux et à toutes celles qui tomberaient sur cette émission par hasard, qu'ils soient chez eux, en voiture ou encore au travail. Je vous rappelle que comme chaque mardi de 9h à 11h30, c'est votre ami Michel qui vous tient compagnie sur Radio Kishifel, autrement dit RQC, hein, la dernière radio libre de la région de Moucron qui émet depuis déjà plus de 35 ans. Mon émission s'appelle Patchwork et comme son nom l'indique, je vous y passerai des chansons s'étalant sur plusieurs décennies en naviguant les années 30 aux années 2000. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que cette journée du 21 novembre 2017 a bien commencé pour vous. Et sans plus tarder, on va débuter ce 9e patchwork de la saison 2017-2018 par une chanson datant d'avant les années 60. J'ai choisi pour vous un titre de l'américain Dean Martin, Dino Crocetti, c'est son vrai nom, est un acteur et aussi un crooner américain. Il est issu d'une famille originaire des Abruzzes en Italie. Il était né en 1917 dans l'Ohio. Il aurait eu donc eu 100 ans cette année, mais il est mort en 1995 à Beverly Hills en Californie, à l'âge de 78 ans. C'est un grand ami de Frank Sinatra qui lui aussi avait des racines italiennes. Bien que né lui-même aux États-Unis, Dean Martin n'a jamais cessé de chanter l'Italie dès qu'il le pouvait. Dans la chanson qui va suivre, il chante même un peu en italien. Il s'agit de sa reprise de Volare, une chanson qu'il a enregistrée en 1958. Cette chanson de Domenico Modugno était arrivée troisième au concours de l'Eurovision en 1958. Et pour l'anecdote, cette année-là, c'était donc le français André Clavaux qui avait gagné avec la chanson « Dors mon amour ». Mais pour l'instant, on va écouter donc Volare par l'excellent crooner qui était Dean Martin. Way up to the clouds, away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. di blu, poi d'improvviso tenido dal veretto rapido e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, oh, e cantare. Oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, e chi dice di stare lassù? E volavo, volavo, venice un'alte del sole col coro più su, mentre mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, no wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto del blu. Après Dean Martin en 1958, on passe maintenant aux années 60 avec Marianne Mille et Maurice Dulac. Maurice Dulac est né Maurice Georges Benaïm. Il a aujourd'hui 78 ans et à 29 ans, après des débuts un peu difficiles dans la chanson, il avait rencontré Marianne Sbriglio, une jolie Marseillaise d'origine italienne. Marianne avait enregistré son premier 45 tours en 1963 et comme ce disque était sponsorisé par la firme Simca, qui lançait alors la Simca 1000, c'est tout naturellement que le nom de scène de la jeune chanteuse de 18 ans était devenu Marianne 1000. À la fin des années 60, Marianne Mille et Maurice Dulac forment un duo à la ville comme à la scène. Et ils enregistrent un premier titre ensemble en 69. Il s'agit du célèbre « Dis à ton fils » que je vous ose écouter dans quelques instants. S'en suivront ensuite de nombreux tubes comme « Libertad »,« Ton Amérique est aussi à Paris » et quelques autres encore. Hein. Mais le succès des chansons vantant les révolutions sud-américaines ira en déclinant dans les années 70 et s'en sera fini la carrière de ce joli duo dont la durée artistique fut assez éphémère. Voici donc ce très beau « Dis à ton fils » que je vous ai promis de vous faire écouter et qui a été enregistré en 1969. À ton fils qu'il doit rentrer, la nuit va bientôt tomber. Laisse-le jouer près de l'eau, le maïs est encore chaud. Mais demain, il va falloir se lever. Je sais bien, il faut planter le café. Qu'il doit rentrer, je voudrais bien lui parler. Je crois qu'il n'est pas encore temps, ce n'est jamais qu'un enfant. Mais demain, il faudra bien qu'il apprenne. Ton chemin est fait de sang et de peine. Dis à ton fils qu'il doit rentrer, le mulet est déjà prêt. Il a son fusil sur le dos, il t'attend près du ruisseau. Dès demain, nous serons dans la montagne. Je sais bien, et que Dieu vous aime. vois, ton fils n'est pas rentré, les soldats nous l'ont tué. Je sais qu'il n'est pas mort pour rien, nous serons libres demain. Mais demain, il va falloir se lever. Je sais bien, il faut planter le café. La la la, la la la la la la la. Le chanteur canadien Leonard Cohen est mort l'année dernière à l'âge de 82 ans. À 22 ans, en 56 donc, hein, il faisait paraître à Montréal son premier recueil de poèmes, puis à 29 ans, en 63, il écrit son premier roman. Il se lance ensuite de la chanson en 67 avec son premier album intitulé sobrement Songs of Leonard Cohen, un album dans lequel la chanson Suzanne est immédiatement remarquée. Le thème abordé par Leonard Cohen dans ses chansons, les thèmes sont toujours à peu près, sont récurrents, hein, ils sont à peu près toujours les mêmes. L'amour-passion, la religion, la solitude ou encore la complexité des rapports entre les êtres humains. Leonard Cohen ne cachait pas qu'il était dépressif chronique depuis sa jeunesse, hein, et ça l'a marqué beaucoup dans sa carrière. Il s'est même retiré dans un monastère bouddhiste à un moment. Aujourd'hui, c'est une chanson datant de 74 que nous avons écoutée. Il s'agit du célèbre Who by Fire. Je vous laisse donc pour 2 minutes 30 en compagnie du regretté Leonard Cohen. And who by a fire? Who by a water? Who in the sunshine? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling? And who in her lonely slip? By barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling? Who by accident? Who in solitude? Who in this mirror? Who by his lady's command? Who by his own hand? Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say is calling? Julie Pietri est née en 1955 près d'Alger. À l'âge de 7 ans, elle a connu le drame du rapatriement des pieds noirs en métropole et cela l'a beaucoup marquée. Julie Pietri, qui chante d'abord sous le simple prénom de Julie, est considérée maintenant comme une égérie des années 80. Dans les années 90, elle se fait plus discrète car elle se consacre à l'éducation de sa fille. Et après une longue traversée du désert, elle redevient très populaire dans les années 2000 en participant à de nombreuses tournées nostalgiques du style « Achetant la tête de bois » ou encore « Star 80 ». Aujourd'hui, c'est le plus grand tube de Julie Pietri que je vous propose d'écouter. Il date de 1986 et c'est bien sûr le célèbre et très féministe « Ève, lève-toi ». Oh, femme unique, péché. Brise son empire.

l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie, il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? C'est donc à l'instant Renaud, il y a 23 ans de cela, Renaud qui a 65 ans demeure l'un des chanteurs les plus populaires en francophonie. Hein. Il a déjà enregistré 23 albums et vendu plus de 20 millions de disques. Et on passe maintenant aux années 2000 avec la toute mignonne Cathy Melua. Cathy Melua qui est d'origine géorgienne, son vrai nom c'est Ketevan Melua. Ketevan c'est d'ailleurs le titre d'un de ses récents albums. Hein. En 1993, Cathy a alors 9 ans, sa famille émigre en Irlande du Nord, en Irlande donc, en profitant de l'ouverture des frontières consécutive à la chute du mur de Berlin en 89. Et puis la famille Melua part s'installer en Angleterre où la jeune fille commence à s'intéresser à la chanson. En 2003, à 19 ans, elle enregistre son premier album dont le titre phare The Closest Thing to Crazy se classe directement premier au Royaume-Uni. Son deuxième opus, Piece by Piece, sort en 2005 et fait de Cathy une véritable vedette internationale, notamment grâce à la chanson 9 Million Bicycles, une bien jolie chanson que je vous propose d'écouter là, tout de suite, sur RQC. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, We're high on a wire with the world in our sight, and I'm never tired of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing, and you know that I will love you till I die. C'était donc à l'instant l'anglaise Cathy Melua en 2005. Cathy Melua qui n'a aujourd'hui que 33 ans et sans doute encore beaucoup de jolies chansons à composer pour notre plus grand plaisir. Et on reconnaît maintenant un autre cycle, et on recommence maintenant plutôt un autre cycle de chansons, de 6 chansons, en revenant aux années 50 avec Luz Mariano. Luz Mariano qui était une immense vedette dans cette décennie-là, hein, et aussi dans celle qui précède, celle des années 40. Luz Mariano était né à Irun, au Pays Basque, en 1914. Il revendique toute sa vie, ses origines basques d'ailleurs. Il parle couramment la langue basque. Et il se fait d'abord connaître en 1945 dans l'opérette de Francis Lopez, La Belle de Cadix, car c'est un ténor de grand talent. Immédiatement après, c'est le triomphe du chanteur de Mexico, toujours du même Francis Lopez. Francis Lopez, le dentiste, compositeur d'opérette. Hein. Luz Mariano enregistrera aussi pas mal de chansons en tant qu'artiste de variété, et parmi celles-ci, on trouve cet hommage à sa maman, une chanson dont le titre est tout simplement « Maman, la plus belle du monde ». Plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis. J'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu m'étomberas. Maman, c'est toi la plus belle du monde, car tant d'amour inonde tes jolis yeux. Je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. J'avais fait des rêves où l'on m'aimait sans te rêver, mais les rêves s'achèvent et toi seul rester. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, C'était donc à l'instant Luis Mariano en 1957. Luis Mariano qui est mort trop jeune d'une hémorragie cérébrale en 70. Il n'avait que 55 ans et sa tombe dans le petit village d'Arkang au Pays Basque est toujours fleurie par ses nombreux fans près de 50 ans après sa disparition. Et sans transition, on passe maintenant aux années 60 avec le groupe Manfred Mann, le groupe anglais Manfred Mann. Manfred Mann fondé en 62 à Londres du nom de son leader et claviériste qui a aujourd'hui 77 ans. Le son très particulier du claviériste en question et la voix du chanteur du groupe, Paul Jones, contribuent grandement au succès de Manfred Mann. Leur premier grand tube date de 64, c'est le fameux « Do Wah Didi » que Sheila reprendra sous le titre « Vous les copains, je ne vous oublierai jamais ». Paul Jones quitte le groupe en 67 après 5 ans de participation, juste après le dernier hit de Manfred Mann, « If you gotta go, go now ». Car le chanteur veut alors poursuivre sa carrière en solo, ce qui ne lui réussira pas tellement d'ailleurs. Manfred Mann obtient encore quelques succès sans Paul Jones, dont The Mighty Queen, que composera pour eux Bob Dylan. Aujourd'hui, c'est la dernière chanson donc enregistrée par le groupe avec Paul Jones que nous avons écoutée. Elle a pour titre Haha, Said the Clown, et elle date de 1967. Manfred Mann, après le départ de Paul Jones, le leader du groupe, après le départ de Paul Jones, en a un petit peu assez d'être une machine à aligner des tubes à cause de Manfred Mann, le leader, qui ne veut pas ce genre de situation. Et il décide de mener une carrière beaucoup plus confidentielle par la suite. Hein. Voici donc pour l'instant Haha, Said the Clown de la grande époque de Manfred Mann. To go see a show in town, hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In the world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. Hear the tramps, watch her dance to the beat of the drums. Past her now, sweating brown, I'm all fingers and thumbs. Wonder why. Eddie Mitchell, dont nous avons écouté Société Anonyme la semaine dernière, est en pleine actualité musicale avec la parution de 10 novembre dernier, son dernier album a fait le buzz. Hein. Cet album s'intitule La Même Tribu, hein, c'est un album de duo qui, avec les fêtes de Noël qui approchent, est promis, je pense, à un beau succès. Hein. Une seule chanson de l'album est inédite, il s'agit de la chanson éponyme, La Même Tribu, composée par le fidèle papa, Pierre Papa Diamandis, avec lequel Eddie Mitchell collabore depuis plus de 50 ans, bel exemple de fidélité. Hein. Mais aujourd'hui, c'est une chanson extraite de son album Après minuit, sorti en 78, que je vous propose d'écouter. Il s'agit de Il ne rentre pas ce soir, une chanson composée pour la musique par, bien sûr, Pierre Papadiamandis, déjà. Et pour les paroles, par un talentueux parolier, un certain Claude Moine. Claude Moine, qui est bien sûr le véritable nom d'Eddie Mitchell. Sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué. Cette ferme notre société, vous êtes dépassés, et du fait vous êtes remerciés. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, oh, oh. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Sa femme et son banquier, la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour travailleur émigré. Il se sent dépassé, et du fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, oh, oh, oh. Il s'en va de part en part. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. C'est donc à l'instant Eddie Mitchell en 78, Eddie Mitchell qui a désormais 75 ans et qui a débuté à 19 ans avec les Chaussettes Noires en 61. Les Chaussettes Noires, un groupe sponsorisé à l'époque grâce à Eddie Barclay par les Chaussettes Stem de Roubaix. Depuis, Monsieur Eddie a mené la carrière solo exceptionnelle que l'on sait en tant que chanteur mais aussi en tant qu'acteur. Bon, on passe maintenant aux années 80, et dans ces années-là, la carrière de Bob Dylan a un petit coup de mou. Hein. Il enchaîne des albums sans grand intérêt, car il est alors touché par la grâce divine, et il s'est converti au catholicisme, dont il imprègne malheureusement ses chansons de l'époque. Heureusement, le Canadien Daniel Lanois lui fait enregistrer en 89 l'album de la Renaissance. Hein. Cet album a pour titre « Oh Mercy », ça veut dire « Oh Pitié » en français. Et il est particulièrement réussi celui-là. Je vous propose d'en écouter un très joli extrait. La chanson s'intitule Most of the Time, en français La plupart du temps. Most of the time I'm clear focused all around. Most of the time I can keep both feet on the ground. I can follow the path, I can read the sign, stay right with it. When the road unwinds I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice the sea gone. most of the time. Most of the time, it's well understood. Most of the time, I wouldn't change it if I could. I can make it all match up. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure. I don't even think about her most of the time. Most of the time, my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to hate. I don't build up illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion, no matter how thick. I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time, she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind. Most of the time, I can't even be sure if she was ever with me, or if I was ever with her. Most of the time, I'm halfway content. Most of the time, I know exactly where it all went. I don't cheat on myself, I don't run and hide from the feelings that I buried inside. I don't compromise and I don't pretend. I don't even care if I ever see her again. Most of the time, on parle de Bob Dylan en France, on pense souvent à Hugo Frey. Hein. Hugo Frey qui avait grandement contribué à faire connaître Dylan en France dans les années 60. Dylan dont il était alors l'ami dès ses débuts. Hein. Il avait d'ailleurs enregistré en 65 un album fort réussi intitulé Au Frey chante Dylan, après avoir traduit 2 ans auparavant une reprise de Don't Think Twice, It's Alright, sous le titre N'y pense plus, tout est bien. Mais aujourd'hui, c'est une chanson plus récente d'Hugo Frey qu'on va écouter. Il s'agit de « La terre est si belle », dont les paroles sont signées de la talentueuse Lynn Buggy et d'Hugo Frey lui-même. Cette chanson date de 91, mais dans ces années où l'écologie est si maltraitée, notamment par le sinistre Donald Trump, elle me semble toujours d'actualité, cette chanson, malheureusement. Voici donc, comme promis, « La terre est si belle », une chanson qui a déjà 25 ans d'âge. Qui sait chanter flotter avec le vent. Toi qui connais les sables et l'océan, les forêts sauvages, les aigles et les loups, de rive en rivage, souviens-toi de nous. Chanson qui va suivre sert de générique final au film Jalouse des frères Fuenquinos, un film que vous ne devez pas manquer si vous aimez la comédienne Karine Viard qui nous y offre un numéro d'actrice assez exceptionnel. Cette chanson, c'est Sing Sing, un titre qui figurait dans le seul premier album d'Emmanuel Seigné, un album qu'elle avait enregistré en 2007, il y a tout juste 10 ans, avec le duo Ultra Orange. Elle avait alors déjà 41 ans et n'en était pas son premier essai en tant que chanteuse, car 2 ans plus tôt, elle avait déjà interprété elle-même toutes les chansons de la bande sonore du film Backstage, où elle incarnait une star de la chanson harcelée par une fan interprétée par l'actrice Isilde Lebesco. Aujourd'hui, c'est donc la chanson Sing Sing que je vous propose d'écouter sans plus tarder, ici sur RQC. Darkness, I'm gonna fly. Il est 9h. Non, c'est une erreur, il est plus presque 10h, je me suis trompé, excusez-moi, c'est pas grave. Donc pour l'instant, il est bientôt 9h53 sur l'horloge du sujet des RQC, non pas 9h. Et il est temps pour moi de vous présenter ma petite séquence cinéma de cette émission qui s'appelle Patchwork et qui vous présente comme chaque mardi matin de 9h à 11h30 votre serviteur Michel. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une chanson ni un morceau musical qu'on va écouter, mais les véritables dialogues d'un film très connu, Marius, de Marcel Pagnol. Il s'agit d'une scène mythique de ce film, la célébrissime partie de cartes. Ce film, Marius, est le premier volet de la trilogie marseillaise de Pagnol, qui comportera aussi Fanny et César. À l'origine, il s'agit d'une pièce de théâtre qui est jouée pour la première fois en 1927, dès l'apparition du cinéma parlant en 1931, donc Pagnol en fera un film qui connaîtra un immense succès, qui ne se démentira jamais, car même en 2017, la trilogie marseillaise de Pagnol est régulièrement diffusée à la télévision française. Alors place au cinéma, maintenant la scène se passe au bar de la Marine, sur le vieux port de Marseille, un bar tenu par César, interprété par Rému. César qui joue à la manille avec son ami Panis, le riche maître voilier du port, interprété par Charpin. Fernand Charpin. Escartefigue, le capitaine du ferryboat, est lui joué par Paul Dulac et Monsieur Brun, le lyonnais de service, et interprété par Robert Vattier. Ah, eh ben quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors, tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Allons, capitaine, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous, combien nous avons? 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais, si coupe à cœur, mais tu fais jamais attention. Mais ne te gêne plus. Montre-lui ton jeu pendant que tu y es. Mais monsieur Fanny, si j'ai pas donné de renseignements, je dis rien. Tout cas, nous jouons à la muette. Il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Fanny, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. Et j'ai jamais vu une figure comme la tienne. Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Oh, ton vainqueur. Regarde comme il est beau. Regarde-le. On dirait la statue de Vitangelu. Évidemment, je suis porté à croire que Fanny se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Mais je dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Mais il a raison. T'as pas besoin de parler pour savoir si Fanny se coupe à cœur, voyons. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu, et toi aussi. Alors, si vous continuez à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Fanny, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Fanny se coupe à cœur. Et il continue à faire des grimaces, hein. Tenez, monsieur Brun, surveillez Scartefigue, moi je surveille César. Comment? Tu me fais ça à moi? Un camarade d'enfance à toi? Je te remercie. Je t'ai fait de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, là, un bandit de grand chemin. Tu me fais plaisir. Merci. Tu me fends le cœur. Allons, César. Il n'y a pas d'allons, César. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fendu par toi. Tu me fends le cœur. Et alors, escarte-fille, qu'est-ce que nous faisons alors? Alors, nous jouons plus, quoi? Il me fend, à moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien, alors? À toi, il te fait rien, à toi. Ah, très bien. Compris. T'es cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu lui as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur, parbleu. Tiens, tiens, les voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Je suis pas plus fada que tu, ça. Faut pas m'y prendre par un autre. Si on maître panisse, et si est-ce pas profit par baganda, tu me fends le cœur. Eh bien, par exemple, alors, tu me fends le cœur. Oh. Oh. Ah, il a pas l'air content, alors. Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon. Bah, il a tort, monsieur Brun. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, monsieur Brun, je ne peux pas tricher entre amis, mais c'est pas la peine de jouer aux cartes, alors. Quand même, ce panisse, quel caractère. Oui, quel caractère. Mais en attendant, il s'est arrangé pour vous laisser les consommations à tous les deux. Comment? Comment, à tous les deux? À tous les trois. Comment, à tous les trois? Nous jouions ensemble. Qui? Vous, moi et le capitaine. Capitaine? Et quel capitaine? Moi. Ah oui, toi, oui. Ah, le capitaine du ferryboat, toi, et Scarterville. Alors, oui, ben, nous jouions ensemble. Eh bien, alors, si nous faisions une manie aux enchères pour savoir qui paye les consommations. Allez, ça va. À qui affaire? Ben, à toi, capitaine. Mais t'es coupe, César. Voilà. Quand même, alors. Ce panisse, tu sais, il devient impossible. Là. Là. Allez, au 30. 31. 32. Dis, César. Oh. Qui est-ce la maîtresse de Marius? Oh, je n'en sais rien, mon vieux. Nous en avons parlé qu'une fois, vaguement. Je n'ai pas insisté, tu comprends. C'est des choses délicates, ça. Ouais, ouais, il est grand, ce petit. Ah, oui. Seulement, moi, je soupçonne que c'est la femme d'un navigateur. Pourquoi? Parce qu'il va passer toute la nuit chez elle. Ça prouve que le mari ne rentre pas tous les soirs. 35. 36. 37. 37. Et puis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. 40. Comment? Je dis, tout le monde sait bien que c'est dans la marine qu'il y a le plus de cocus. 40. Tu n'entends pas? 40 par 4. Qu'est-ce qu'il a? Mais, qu'est-ce que vous lui avez fait, monsieur Brun? Tu mets la veste, tu as froid. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est parce que j'ai dit que dans la marine, il y avait... Oh, je t'ai fait de la peine, je te demande pardon. Mon... À qui tu demandes pardon? Au marin ou au cocu? Et à tous les deux, voilà. Et tu crois qu'il suffit de s'excuser en souriant? Oh, je t'en prie, Félix, ne te fâche pas, voyons. Je sais très bien que si tu es cocu, c'est pas de ta faute. Mais enfin, tout le monde le sait que tu es cocu, c'est pas un mystère, ça. Monsieur Brun ne le savait pas. Et c'est lui qui me l'a dit, voyons. Et puis à Marseille, quand on parle d'un cocu, on dit escarte-figue. Oui. Eh bien, que je sois cocu, ça te regarde pas. Non. Je te défends d'insulter la marine française. Oh. Et après la phrase que tu viens de prononcer, je ne puis plus faire la partie avec toi. Mais écoute, Félix, voyons. Je n'écoute rien. Je me présenterai ici demain matin pour recevoir tes excuses. Bonsoir, monsieur Brun. Allons, voyons, capitaine. Voyons, capitaine, restez, voyons. Mais non, non, non, n'insistez pas, n'insistez pas. Non, écoute, non, mais écoute, non, écoutez, il a raison, tu veux des excuses. Eh bien, moi, je te les fais tout de suite. Là, non. Voilà. J'exige des excuses réfléchies. Il faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Mais Félix, ne sois pas bête par-dessus le marché, voyons. Mais si c'est des paroles en l'air, ça, j'ai pas l'intention d'insulter la marine française, moi. Mais moi, je l'admire, la marine française. Mais je l'aime. Il se peut que tu aimes la marine française. Mais la marine française te dit merde. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Monsieur Brun, moi, je vais vous le dire. Escarte-figue, c'est un gracier. Et après cette mémorable partie, cartes extraite du film Marius, réalisé en 1932 par Marcel Pagnol, on en revient aux années 60. Le chanteur américain d'origine mexicaine, Trini Lopez, qui est né à Dallas, au Texas, en 1937, était une immense star dans les 60s. Ainsi, en 64, il passe en co-vedette à l'Olympia avec Sylvie Vartan, alors que les Beatles ne font que la première partie du spectacle. On croit rêver, hein. Il faut dire que la chanson « If I had a hammer », adapté aussitôt par Claude François sous le titre « Si j'avais un marteau », avait fait un tabac en 63, hein, l'année précédente. Trini Lopez avait aussi fait une prestation très remarquée en 67 dans le film de Robert Aldrich, « Les 12 salopards », une petite anecdote en passant à propos de ce film célèbre. En cours de tournage, l'agent artistique de Trini Lopez tente de renégocier le salaire de l'acteur-chanteur. Robert Aldrich, le réalisateur, se vexe et décide alors, en représailles, de supprimer purement et simplement la scène de la mort du personnage incarné par Trini Lopez, qui meurt donc hors écran, carrément. Trini Lopez, qui a 80 ans maintenant, continue toujours à chanter. En 2017, il nous chante aujourd'hui sa version de « Michael Row the Boat Ashore », une chanson de Pete Seeger adaptée en français par Rick Azaray sous le titre « Michael est de retour ». Alléluia. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Sister, help to trim the sails. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. Michael, row the boat ashore. Hallelujah. River Jordan, chilly and cold. Hallelujah. Chills the body, but not the soul. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. River is deep and river is wide. Hallelujah. Hallelujah. Milk and honey on the other side. Israélien Milk and Honey, en français du lait et du miel, avait accompagné la jolie chanteuse Gali Attari au Grand Prix de l'Eurovision de l'année 79. À la surprise générale, Israël remporte le prix pour la deuxième fois consécutive, bien que la chanson Hallelujah ait été alors interprétée intégralement en hébreu, comme l'imposait le règlement du concours entre 76 et 99. Hein. Maintenant, la plupart des chansons de ce concours sont chantées en anglais, même par les nombreux représentants des pays de l'Est. Hein. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Gali Attari, qui aura bientôt 64 ans, a été très populaire en Israël dans les années 80, après ce succès à l'Eurovision. Son succès s'est amenuisé dans les années 90, mais la sortie d'une compilation de ses succès en 2001 a relancé sa carrière, et il paraît qu'elle attire de nouveau des foules à chacun de ses concerts. Hein. Voici donc Hallelujah, une chanson gagnante du concours Eurovision, la chanson de 79, dans sa version originale en hébreu. Hallelujah, la olam. Hallelujah, Yeshua. Son 21e album, Décalage, sorti en 88, François Hardy avait fait figurer une chanson qui avait été initialement prévue pour un autre album, celui de son mari, Jacques Dutronc. Mais cette chanson, une fois enregistrée par le chanteur, lui a fortement déplu, surtout en raison d'une piètre orchestration, et il ne l'a pas retenue pour l'opus en question. Hein. Bien lui en a pris, car François Hardy en a fait la chanson phare de cet album Décalage. La musique de cette chanson, donc, dont le titre est Partir quand même, est donc signée Jacques Dutronc lui-même. À noter que pour la première fois, en 88, François Hardy avait fait part, pendant l'enregistrement de l'album, de son intention de mettre fin à sa carrière de chanteuse, en prétendant que Décalage serait son dernier album. Elle nous refera le coup plusieurs fois encore, lors de la sortie d'album suivant. Hein. Voici donc Partir quand même, paroles de François Hardy, musique de Jacques Dutronc. Pendant qu'il dort. Alejandro Baldi est un chanteur italien qui a débuté sa carrière en 86. Il a maintenant 58 ans et il est surtout célèbre pour une chanson, celle qu'il avait enregistrée en duo avec la jeune chanteuse Francesca Alotta en 93. Une chanson qui va leur remporter un prix au prestigieux Festival de San Remo la même année. Donc cette chanson, c'était Non Amarmi, qui connaîtra par la suite un succès international sous le titre Nommé Ames en espagnol. Interprété par le duo de circonstances constitué par Jennifer Lopez et Marc Anthony. Voici donc la version italienne originale de cette chanson, Non Amarmi, interprétée en 93 par Alejandro Baldi et Francesca Alotta. Alors où est-ce? Il faut que je le sache là. Je crois que c'est ici. Oui. Dimmi perché piangi di felicità e perché non mangi ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene, questo non lo so. Stupido testone, dubbi non ne ho, anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi. Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via. Piovono parole su questa città, se la gente vuole, ma quanto male fa. Noi ci alziamo in volo e loro sono fermi, sola in mezzo a questo cielo. Non lasciarmi, non lasciarmi, non lasciarmi. Ho sbagliato, voglio dire non amarmi. Non spezzare le mie armi e il mio cuore con questi non amarmi. Non amarmi per il rosso della rabbia che c'è in noi. Tu lo sai che non posso non amarti nemmeno se non vuoi. Non vuoi. Soltanto per Juliette Armanet est née à Lille en 1984 et elle connaît enfin le succès depuis le printemps dernier, à 33 ans déjà. La critique unanime la considère comme la révélation de la scène musicale française de l'année 2017, la qualifiant de nouvelle Véronique Sanson. Ces critiques dithyrambiques sont peut-être un peu excessives, mais il faudra attendre la suite de sa carrière à Juliette pour se faire une opinion. Wait and see, comme disent nos amis anglais. Hein. Juliette Armanet avait des parents libraires à Villeneuve-d'Ascq, où elle a grandi jusqu'à l'âge de 16 ans. Et en 2000, elle suit ses parents en région parisienne, bien sûr, elle est mineure, hein, où elle fait des études de lettres et aussi de théâtre. Ensuite, elle exerce pendant 6 ans le métier de journaliste en réalisant des documentaires pour Arte et aussi pour France Culture. Juliette compose des chansons depuis l'âge de 14 ans, mais ce n'est qu'en avril dernier qu'elle sort son premier album, un album intitulé « Petite amie », dont j'ai extrait pour vous la chanson phare, dont le titre est « L'amour en solitaire ». Seul dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages. Seul dans ma fête, c'est dommage, et tu sais tellement chouette, tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau, des matelots. C'est tout, c'était Juliette Armanet donc. Hein. Et nous voilà repartis pour un cycle de 6 chansons, en commençant comme toujours par une chanson datant d'avant les années 60, pour continuer ensuite décennie par décennie jusqu'aux années 2000. En 59, Ray Charles avait déjà 29 ans, cela faisait déjà 22 ans qu'il était aveugle, puisqu'il a été frappé de cécité totale dès l'âge de 7 ans. Ce n'est qu'à l'approche de la trentaine qu'il connaît enfin le vrai succès en tant que chanteur. Hein. Ses nombreux problèmes de drogue ont beaucoup nui à sa carrière, hein, entre les années 60 et les années 80. Il réussit enfin à sortir de l'enfer des paradis artificiels au début des années 90 et il connaîtra de nouveau le succès jusqu'à sa mort survenue en 2004 à l'âge de 73 ans. Aujourd'hui, on écoute l'un des premiers grands succès populaires de Ray Charles. Il s'agit du célèbre « What I Say ».« What I Say », une chanson qui date de l'année 59 et qu'Eddie Mitchell et les Chaussettes Noires adapteront en français sous le titre « Est-ce que tu le sais ?» « She knows how to shake that thing. All right, now, now. Hey, hey. Hey, hey. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. All right. All right. Oh, play it, boy. Et après Ray Charles, on change complètement de genre musical en passant aux années 60, car c'est une chanson enregistrée en 67 par l'humoriste Maurice Birot que je vous propose d'écouter maintenant. Maurice Birot a été longtemps animateur de radio sur Europe 1 dans les années 60. Son surnom, c'était alors Bibi, à l'époque. Mais il était aussi un excellent acteur dans les seconds rôles, hein, au cinéma. Il a débuté en 1950 au cinéma, bien sûr, hein, mais c'est au début des années 60 qu'il tournera ses meilleurs films, comme Le Cave se rebiff avec Jean Gabin en 61, puis Un taxi pour Tobrouk en 60 avec Lino Ventura, et aussi Mélodie en sous-sol en 63 avec Alain Delon. Maurice Birou nous a quittés trop tôt, en 1982, à l'âge de 60 ans, victime d'une crise cardiaque au volant de sa voiture en plein Paris. Sa mort avait été un peu éclipsée à l'époque, car le même jour disparaissait aussi le poète Louis Aragon. Mémé Confiture est l'une des rares chansons que Maurice Birou a enregistrées. Elle rappelle un peu le récit du comédien Philippe Torreton, un récit intitulé Mémé, un ouvrage publié en 2014. C'est en compagnie des petits écoliers de Bondy que Maurice Birou nous interprète maintenant Mémé Confiture. Elle sentait toujours la framboise, la mirabelle ou l'abricot. Elle s'enfermait dans sa cuisine pour préparer des petits pots. Mémé Confiture, Mémé Confiture. Elle menait toujours la belle vie. Elle était notre grande folie. Mémé Confiture, Mémé Confiture. Avec son joli chapeau à ruban qui volait, volait dans le vent. C'est toi la plus jolie quand tu souris sur les photographies. Tout là-haut dans le cerisier avec ton grand panier d'osier. Allons-y les enfants bien ensemble. Allons-y. C'était notre grande folie. Mémé Confiture, Mémé Confiture. Pour nous chercher des crèmes et des gâteaux, elle filait, filait sur son vélo. Lorsque reviennent à la fin de l'été les fruits sur les pommiers, je revois dans le verger, j'ai sur les lèvres un goût sucré. Mémé Confiture, Mémé Confiture, avec son joli chapeau à ruban qui volait. C'est 95 FM. Tom Jones, qui a désormais 78 ans, a connu un énorme succès dans les années 60-70. Son premier tube, It's Us Unusual, date de 64. S'en suivront plein d'autres grands succès, comme Delilah, Thunderball, la chanson du film James Bond, Opération Tonnerre, The Green Green Grass of Home, What's New Pussycat, et j'en passe, hein. Par la suite, Tom Jones présentera pendant de nombreuses années des émissions de variété à la télévision américaine avec un succès qui ne se démentira jamais. En 99, il fait un retour remarqué et fracassant avec un grand tube, Sex Bomb, alors qu'il a déjà presque 60 ans. Aujourd'hui, c'est un de ses succès de l'année 71 qu'on va écouter. Il s'agit de She's a Lady, une chanson écrite sur mesure pour lui par Paul Anka. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the shouting, that's not easy. Well, she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, oh. She's a lady. Talking about a little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah. She's a lady. Oh, oh, oh. She's a lady. Listen to me, people. She's a lady. Yeah, yeah, yeah, yeah. She's a lady. Bel organe que celui de Tom Jones, on peut pas le nier, hein. Je parle bien sûr de sa voix. Hein. Alain Delon a eu 82 ans la semaine dernière, il est l'un des acteurs les plus populaires du cinéma français. C'est aussi un redoutable homme d'affaires qui a obtenu la nationalité suisse en 99, ce qui n'est pas facile, c'est tout dire. Hein. En tant qu'acteur, Delon a tourné avec les plus grands réalisateurs, avec Luchino Visconti pour Rocco et ses frères, puis pour Le Guépard. Avec Jean-Pierre Melville pour Le Samouraï et puis Le Cercle Rouge notamment. Et aussi avec Joseph Losey pour Monsieur Klein et avec tant d'autres encore. Hein. Paradoxalement, il n'a jamais réussi à s'imposer à Hollywood malgré quelques tentatives sans suite, comme par exemple Soleil Rouge, un western avec Charles Bronson. Parfois, Alain Delon se frotte à la chanson de variété, comme par exemple en 83 avec la galloise Shirley Bassey, avec laquelle il enregistre une très belle chanson. Shirley Bassey est née dans une famille pauvre de Cardiff, au Pays de Galles, d'une mère anglaise et d'un père d'origine nigériane. Elle a travaillé dans une usine d'emballage de Cardiff et se produisait le week-end dans les pubs locaux, où elle est vite repérée pour sa voix magnifique dès 53, l'année où elle signe son premier contrat à l'âge de 16 ans seulement. Shirley Bassey est la seule chanteuse à avoir enregistré plusieurs chansons de générique de films de la saga James Bond. Goldfinger en 64, Les Diamants sont éternels en 71 et Moonraker en 79. Voici donc ce fameux duo composé pour la partie parlée par Alain Delon et pour la partie chantée par la fabuleuse Shirley Bassey. Leur chanson s'appelle Thought I Rang You. En français, Je pensais que je t'enlacerais. Tout un programme. Les paroles françaises, qui sont un peu pauvres, je trouve, sont de Pierre Delanoë. Thought I'd ring you and tell you I'm in town. Hope to see you. Yes, dinner would be fine. Do you remember when you and I first met? I know I do. Do you? Oh non, je n'ai rien oublié. Rien oublié de cette étrange fille. Qui est venu traverser ma vie et ma ville. Rien n'oublié non plus de cette drôle de nuit dont nous sommes sortis, je crois, amis. To see. see you, you've hardly changed, it's true, a little older, but time's been kind to you. Do you remember the very special night? You know I do. Je suis bouleversé. Ça m'a complètement surpris, tu sais, de te savoir à Paris. Non, je n'ai pas oublié encore, ni le bain de la fontaine, ni la robe collée sur ton corps, ni les mots du poème. Comment pourrais-je oublier? Après les années 80, avec Charlie Basset et Alain Delon, on passe maintenant aux années 90 avec le chanteur et acteur québécois Kevin Parent. Kevin Parent, qui dès ses 16 ans écrit ses propres chansons qu'il interprète dans des bars canadiens. Il sort son premier album à 23 ans, en 95. Ce curieux opus intitulé « Pigeon d'argile » le remporte un très gros succès au Québec, puisqu'il se vend là-bas à près de 400 000 exemplaires, ce qui au Canada est considérable. Kevin Parent est très peu connu en France, mais il continue à enregistrer régulièrement dans son pays. Je vous propose d'écouter « Seigneur », un extrait du tout premier album de Kevin Parent, celui de 95. Seigneur, Seigneur, je sais que tu veux que je te dise, y'a plus rien à faire, je suis viré à l'envers, j'aimerais m'enfuir, mais mes jambes prises. Seigneur, Seigneur, que sais-tu que tu veux que je te dise? Son indifférence m'arrache la panse, puis je pense plus rien qu'à mourir. Mon rôle à la vie n'est pas encore défini. Tant je m'efforce pour qu'il soit accompli. Je sais, faut tout déjà commence. Mais Seigneur, j'ai pas envie. Seigneur, Seigneur, je sais, tu me l'avais dit. Respecte ton prochain, réfléchis à demain, car la patience t'apportera de belles récompenses. Travaille avec entrain, soulager la faim de la femme qui t'aime, il en a de besoin. Elle a besoin d'un homme fidèle qui sait en prendre soin. Lucifer, Lucifer, t'as profité de ma faiblesse pour me faire visiter l'enfer. Mais je t'en veux pas, c'est moi qui a pensé que je pourrais être chum avec toi. Mais je m'ai bien fait avoir, mon chien Lucifer. Si on est ce que l'on mange, Seigneur, tu sais bien trop que je n'ai jamais un ange. Mais je veux changer de broche, filtrer mon passé et sortir mes vidanges. Mais j'aimerais prendre le temps de faire la paix avec quelques souffrances. Oui, j'aimerais prendre le temps faire la paix avec quelques souffrances. RQC. Je danse. Tes sensations, ta musique, ta génération, de cet lieu. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Petit frère, RQC. Oui, quand on entend la voix de Kevin Parent, qu'on vient d'écouter à l'instant, on a envie de dire « Esprit de Garou, sors de ce corps ». C'est vrai que la voix de Garou, de Kevin Parent, pardon, a parfois les mêmes intonations que celle de Garou, mais il ne le copie pas, car il était connu avant Garou, avant l'interprète de Quasimodo de Notre-Dame de Paris. Et on passe maintenant aux années 2000 avec l'Écossaise Amy MacDonald. Amy MacDonald qui a eu 30 ans cette année. Amy avait découvert sa vocation de chanteuse à l'âge de 12 ans. Elle apprend la guitare toute seule, en autodidacte. Et elle se produit dès ses 13 ans sur la scène de son école. Une école qu'elle quitte à 16 ans avec pour se consacrer uniquement à la musique. Son premier album, This is the Life, sort l'année de ses 21 ans, en 2007. C'est un triomphe, hein, et il se vend à 3 millions d'exemplaires de par le monde. Son deuxième album, A Curious Thing, une chose bizarre, a moins de succès, mais il s'écoulera quand même à 1 million d'exemplaires, hein, ce qui n'est pas mal du tout. Ce deuxième album donc date de l'année 2010, et je vous propose d'en écouter le titre phare. La chanson en question s'intitule Don't Tell Me That It's Over. En français, ne me dis pas que c'est fini. c'est sur le net. C'est le www.rqc.be. Et après Amy McDonald en 2010, on en revient à des temps plus reculés, comme le veut le concept de cette émission, que je n'ai pas appelé Patchwork pour rien. Hein. Je vous propose maintenant d'écouter une chanson datant des années 30. Elle est interprétée par Gaston Ouvrard, qui est mort en 1981, à l'âge de 91 ans. C'était un comique troupier, hein. Il portait toujours un uniforme militaire sur scène, mais un uniforme très coloré, contrairement à ceux de l'armée régulière. Hein. Ouvrard avait débuté en 1909 à 19 ans, année où il avait enregistré son premier disque chez Odéon. Et oui, en 1909, on enregistrait déjà des disques. Hein. C'était sur des rouleaux, là, des rouleaux de cire. Il se revendiquait donc, comme toujours, comme comique troupier, un genre tombé en désuétude, qu'il a perpétué en souvenir de son père, qui exerçait déjà ce métier de comique troupier. Ouvrard avait été très marqué par la guerre 14-18, hein, qu'il avait faite du début à la fin, en se faisant blesser par deux fois. Cette triste expérience l'avait fortement traumatisé, et il avait choisi de se moquer de l'armée jusqu'à la fin de ses jours. Sa manière à lui d'être antimilitariste. Hein. Ouvrard était capable de chanter sans bafouiller des paroles très difficiles. Il jouait beaucoup de ce don dans son interprétation. Jugez-en par vous-même avec cette chanson intitulée « Si j'avais des ailes ». Lorsque l'on est militaire, faut marcher militairement, faut obéir et se taire sans discuter le commandement. Oui, mais quand on se repose, on a le droit de penser. Hier, je pensais quelque chose que vraiment c'est insensé. Je pensais que ça serait rigolo si j'étais un petit oiseau, si j'avais des ailes, de petites ailes. Quand l'adjudant me punirait, immédiatement je m'envolerais. Si j'avais des ailes, de petites ailes, je pourrais toujours m'échapper, il pourrait pas me rattraper. Quant à la boîte, il voudrait me mettre, je partirais par la fenêtre. Et puis j'y jouerais des petits tours comme un oiseau me l'a fait l'autre jour. C'était dedans le soir d'envers, une hirondelle qui était en l'air. Elle a fait son petit ripipi sur la visière de mon képi. À l'adjudant, j'en ferai autant et puis je me sauverai en chantant. Tiripi, oui, tiroutoutou, ah, ça serait rigolo comme tout. Si j'avais des ailes, si j'avais des ailes, si j'avais des ailes. Dedans le métier des armes, on a pas mal de loisirs. La sieste a beaucoup de charme, mais le soir, on peut pas dormir. Moi, je pense à ma promise, c'était pas tant toute la nuit. J'ai beau me dire, c'est des bêtises, ça me vient toujours à l'esprit. Je me dis, ça serait rigolo si j'étais un petit oiseau. Si j'avais des ailes, de petites ailes, je resterais pas la sapristi à m'embêter seul dans mon lit. Si j'avais des ailes, en face de chez elle, j'irai me poser sur le barreau et puis à travers les carreaux, je regarderai et je verrai des tas de machins, des petits secrets. À personne je ne le répéterai, mais ça ne fait rien, je les connaîtrai. Ce serait si de son corset le ruban est rose ou violet, ce serait si son pantalon il est court ou bien s'il est long, ce serait s'il est décousu, s'il est fermé, s'il est fendu, ce serait peut-être bien encore où si elle met sa main quand elle dort, ce serait si la nuit des fois elle soupire et pense à moi, si qu'elle aurait des ailes aussi, c'est ça qui serait un chic pour lui. Je m'en irai sur le balcon et j'y chanterai ma petite chanson, elle entendrait, elle viendrait, et puis tous les deux on ferait. Tirlipi, oui, tirututu, ah, ça serait rigolo comme tout. Tu avais des ailes, tu avais des ailes, tu avais des ailes. Et quand je vois des aéroplanes, je voudrais être aviateur. Seulement j'ai peur de la panne et j'aime pas le bruit du moteur. Escalader les nuages, ça doit être intéressant. Mais souvent dans le voyage, un peu trop vite on descend. Ce serait bien plus rigolo si j'étais un petit oiseau. Tu avais des ailes, de petites ailes. Je monterais au firmament, je verrais plus le casernement. Tu avais des ailes, de petites ailes. J'irai tant que je pourrais monter et j'entendrai plus rouspéter. J'entendrai plus le caporal me dire espèce d'animal. Je n'entendrai plus le sergent me dire mon vieux, je vous fous dedans. J'entendrai plus le capitaine me supprimer ma permission. Je n'irai plus à l'exercice et je serai toujours exempt de service. Je n'irai plus aux distributions et je ne monterai plus la faction. Je ne gratterai plus les pommes de terre, je ne ferai plus de marche militaire. Et comme je n'aurai pas de souliers, dedans j'aurai pas du gravier. Et ça me ferait pas mal aux pieds, c'est toujours ça que j'aurais gagné. Et quand je voudrais rigoler, je viendrai planer sur le quartier. Je verrai les copains manœuvrer, j'entendrai les sous-officiers engueulander les petits troupiers. Mais moi, s'ils voulaient me choper, ils pourraient toujours s'aligner. Je rigolerai quand ils me diraient, venez ici, je me cavalerai, je lèverai la queue et je leur dirai, tire les pieds, oui, tire les pieds, ah, ça serait rigolo comme tout. Tu avais des ailes, tu avais des ailes, tu avais des ailes. Et encore un changement radical de genre musical. Puisqu'après Ouvrard, dans les années 30, on passe maintenant à Marianne Faithfull, dans les années 60. Marianne Faithfull, qui aurait déjà 71 ans à la fin de cette année, et elle était la fille d'un officier de renseignement britannique et d'une aristocrate autrichienne. En 64, elle fait la connaissance des Rolling Stones, qui composeront pour elle la chanson « As Tears Go By », signée bien sûr Jagger Richards. Elle n'a alors que 17 ans et demi et le succès est immédiat. Elle poursuivra pendant plusieurs années une liaison passionnée avec Mick Jagger, mais sa sévère addiction à l'héroïne entraînera leur séparation après qu'elle eut manqué d'y rester, des suites d'une overdose. Depuis, Marianne Faithfull est devenue une icône vivante et elle continue régulièrement à enregistrer des albums souvent très intéressants, avec une voix désormais très éraillée. Aujourd'hui, c'est une chanson de sa période de jeunesse que je vous propose d'écouter. Elle date de 65 et s'intitule « Summer Nights », en français « Les nuits d'été ». Winter's almost gone, oh, I've waited so long for summer nights. When there's magic in the air and I don't ever care, all that matters to me is that you are here on summer nights. There's a little cafe where we can hear music play. They keep the lights turned on low. The place where lovers go. There you'll hold me tight and say our love will always be this way on summer nights. At the end of the day we can go down to the bay and together hand in hand we will walk along the sand on summer nights. Dick Hanegaard a aujourd'hui 65 ans, ce compositeur interprète, auteur de chansons principalement écrites en français, est né aux Pays-Bas, à La Haye, mais il a vécu une bonne partie de sa jeunesse à Bruxelles, de 58 à 70. Ensuite, il s'installe à Paris dès ses 20 ans, en 72, et puis là, donc, il sort son premier album en 73, un album qui comporte des titres remarqués aussitôt, comme Ubu et surtout Bruxelles, cette superbe chanson composée en souvenir des 12 ans qu'il a passé dans cette ville durant sa jeunesse. Dick Hanegaard fait son premier Olympia en 74 alors qu'il n'a que 22 ans, mais il se lasse très vite du végétariat et il décide de suivre une voie beaucoup plus underground. Il se met un peu en retrait. Il s'en va donc vivre sur une péniche sur les quais de la Seine et puis ensuite il passe plusieurs années à Lille dans le quartier de Loisem. Désormais il vit dans un petit village du sud-ouest de la France. Aujourd'hui on écoute donc ce qui reste sans doute sa chanson la plus marquante, celle qui parle de Bruxelles. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu. Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit. Johnny Clegg, dit le Zoulou blanc, est né au Royaume-Uni à 64 ans de cela, d'une famille aisée de paysans juifs lituaniens. Toute la famille est migrant en Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe, et le jeune Johnny est très vite intéressé par la musique. Hein. Mais il est surtout interpellé par la situation qui est faite à la majorité noire. Hein. Il crée donc un groupe musical avec des noirs, ce qui est une provocation bien sûr dans un régime politique qui prône l'apartheid. Hein. Le succès international vient en 87 avec la chanson Asim Bonanga, qu'il interprète avec les Zoulous du groupe Savuka. Asim Bonanga, ça signifie en langue zoulou « nous ne l'avons pas vu » ou « quelqu'un manque à l'appel », quelque chose comme ça. Allusion évidente à Nelson Mandela, hein, Mandela qui croupit en prison depuis déjà tant d'années. J'oserais écouter Johnny Clegg et Savuka nous chanter Asim Bonanga, le seul grand tube international du zoulou blanc. Alors où est le zoulou blanc? Ici. Asim Bonanga, Asim Bonanga Mandela Tina, la paix kona, la paix feli kona. Asim Bonanga, Asim Bonanga Mandela Tina, la paix kona, la paix feli kona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water. Asim Bonanga, Asim Bonanga, Mandela Tina, la paix kona, la paix feli kona. Asim Bonanga, Asim

un album intitulé La Même Tribu qui est sorti, je l'ai dit tout à l'heure, le 10 novembre dernier. Et on passe maintenant aux années 2000 avec Vanessa Paradis. Vanessa Paradis qui aura 45 ans à la fin de cette année. Comme chacun le sait, Vanessa a connu la célébrité dès l'âge de 14 ans avec Joe le Taxi. Et depuis, elle mène une brillante carrière, aussi bien dans la chanson qu'au cinéma, mais aussi dans la mode, ce qui est moins connu. Hein. L'album Bliss, dont nous allons écouter un extrait dans quelques instants, est sorti en l'an 2000, après 8 années de silence musical, car Vanessa était alors très sollicitée par le cinéma, et en plus, elle avait eu son premier enfant avec l'acteur américain Johnny Depp, dont elle a partagé la vie pendant plus de 15 ans. Hein. L'extrait de Bliss, l'album de l'an 2000 que je vous propose d'écouter, c'est la chanson « Que fait la vie ?». Une chanson de Vanessa a composé la musique elle-même, ce qui est plutôt rare en général. Trop de chiffres à défricher, j'évite et de halo Et à 11h20, sur l'horloge du studio d'RQC, il est plus que temps pour moi de vous proposer ma petite séquence de musique classique de la semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire écouter une composition d'un musicien qui a vécu toute sa courte vie en Russie au 19e siècle. Je dis courte vie car les célèbres tableaux d'une exposition dont nous allons écouter un extrait dans quelques instants sont l'œuvre d'un homme de 35 ans qui n'a plus que 6 années à vivre. Il s'agit de Modeste Moussorgski. Moussorgski qui n'était pas forcément modeste. Modeste, c'est simplement son prénom. C'est comme Juste Leblanc qui, lui, n'a pas de prénom. Bon, assez déliré comme ça, un peu de sérieux. Modeste Moussorgski avait composé ses tableaux d'une exposition en 75. 1875, bien sûr, hein. 6 ans avant sa mort, survenu en 1881, alors qu'il n'avait donc que 42 ans. Mais ces fameux tableaux, il les avait seulement composés pour le piano. Et plus tard, bien après sa mort, c'est le musicien français Maurice Ravel qui orchestrera la partition de cette œuvre du musicien russe. Hein. L'extrait que je vous propose d'écouter des tableaux d'exposition de Moussorgski, c'est la célèbre Grande Porte de Kiev, le tout dernier tableau de ce magnifique opus. Et c'est l'Orchestre français des jeunes qui l'avait enregistré en live en 96 dans les studios de Radio France, décidément, sous la direction de Marek Janowski, qui vient de l'interpréter. Thank you. Après cette superbe porte de Kiev, extraite des tableaux de l'exposition de Moussorski, on en revient maintenant aux années 60 avec Gilbert Bécaud. Bécaud, surnommé dans les années 50 Monsieur 100 000 volts à cause du dynamisme extraordinaire dont Gilbert faisait preuve lors de ses prestations sur scène. Bécaud nous a quittés en 2002 et il est, je trouve personnellement, bien injustement oublié, 15 ans après sa mort seulement. Le titre de Bécaud que je vous propose d'écouter aujourd'hui date de 64 et si la musique est bien de Gilbert lui-même, les paroles de la chanson sont elles signées de Louis Amade, Louis Amade qui à 16 heures perdues exerçait aussi la très haute fonction de préfet de région. La chanson en question c'est Mon père à moi. Je le revois assis sur son vieux banc de pierre, roulant sa cigarette au bout de ses 10 doigts. Il était simple et bon, et il était mon père. Ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Il était menuisier du plus petit village qu'on rencontre là-bas avant le pays haut. Il m'enseignait la vie, comment on construit sa table. Moi, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Je sais, il avait fait des bêtises. Certains soirs, il parlait du Moyen-Orient. Il avait même fait la valise, mais il revint pour moi en pleurant. Il savait fabriquer des armoires aux lavandes où les jeunes mariés garderaient leurs draps blancs et où les vieux mariés rangerai leur légende. Ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père, à moi. Oh, je sais, il a fait des bêtises. Certains soirs, il parlait du Moyen-Orient. Il avait même fait la valise, mais il revint pour moi en pleurant. Je le revois debout, tel qu'il fut et qu'il reste, derrière l'établi de la pauvre maison, avec pour tout galon des copeaux sur sa veste. Ouais, mon père, mon père, mon père, mon père, mon père à moi. C'est donc avec Gilbert Bécaud que se termine ce 9e patchwork de la saison 2017-2018. J'espère que ma sélection d'aujourd'hui vous a plu et que j'aurai le plaisir de vous retrouver fidèle à l'écoute la semaine prochaine. Nous serons déjà le 28 novembre et je vous proposerai, comme chaque semaine, au moins 5 ensembles de 6 chansons datant successivement d'avant les années 60, puis des 60s, des 70s, des années 80, 90 et enfin des années 2000. Et oui, c'est cela le concept de patchwork. Patchwork, une mission que vous propose votre ami Michel depuis le 26 septembre dernier sur RQC. RQC, 95 FM, la dernière radio libre de la région de Mougron. Alors, je vous donne rendez-vous donc mardi prochain, dès 9h, pour une nouvelle émission de 2h30. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine à venir, ainsi qu'une très bonne journée pour ce mardi qui est déjà bien entamé. Et je vous laisse avec la jolie musique du film L'été de Kikujiro, un film de Takeshi Kitano, sur une musique de Joe Hisaishi. Ça date de 99. Ciao à vous et à la semaine prochaine, j'espère.